Si je peux me permettre. Oui. Moi, l'objet artistique dont j'ai le plus discuté et parlé, c'est peut-être l'impro. Bon, ben, on peut tout synthétiser tout ça maintenant? Ben, je pense que non. Mais. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Antoine Vézina, comédien, ancien improvisateur à la LNI, Saint-Place, la LIM, la Globale, les Cravates, j'en passe, la Licucam, la Lui, la Limonade, la Limette. Mais ça sous-entend quand même que c'est une forme d'art relativement jeune. Ouais. Et qui se questionne énormément. Ce que j'ai pas nécessairement vu, par exemple, au théâtre. Oui, il y a un gros camion qui passe. Pas si pire. On est sur le coin d'une rue. Coin au Montréal Café. Coin Fabre et Laurier. Ils vont être contents pour la publicité. Ouais. Non, mais quand il n'y a pas de gros camion, c'est quand même relativement calme. Ouais. Mais donc, je trouvais, et je trouve que c'est encore une forme artistique où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de questions. C'est bien accessible. Tu sais, en théâtre, on en parle, t'étudies, puis là, tu tombes dans le métier, puis c'est un peu tout pareil partout. Puis ouais. Tu vas voir, ils vont remettre en scène, puis on va faire des lectures. Tu vois, personne ne questionne ce bout-là. La patente, on laisse tomber. Je sais pas. Oh ouais, tu as appris ce qu'il faut faire, puis tu le fais. Ouais! Je trouve qu'en impro, il y avait beaucoup de. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait comme ça? On a-tu besoin d'un arbitre? Non, pas nécessairement. Des thèmes, oui, c'est quoi? L'objet est assez neuf pour être encore. Ou ça fait peut-être partie de la philosophie de la patente. Ouais. Mais pourquoi t'arrêtes? Ben, moi, te dire parce que je trouve ça exigeant. Tiens, mais tu sais, je te parle de ça, de questionnement. D'investissement personnel, de positionnement. Ouais. Surtout, il y a une petite vague d'impro sans règlement, je me sens guillemets. Ouais, ouais. Mais donc là, tu as en plus une responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire, moi? Qu'est-ce que je veux faire en tant qu'artiste, je me sens guillemets? Je comprends complètement. Que je vais faire une pièce de théâtre, il y a tout un bout de fête. Il y a un programme, la saison s'inscrit dans une direction. J'apporte mon humble contribution, mais il y a un gros bout de fête. Là, ils font, il n'y a pas de règne. La prochaine impro, il n'y a pas de temps. Je dis, OK, il faut que je me positionne. Pourquoi? Donc là, il faut que je fasse mes règles à moi. Donc, c'est la paresse qui t'a fait arrêter. Non, la fatigue. Je pense que c'est un sport. Non, je te comprends. Sans mes salutations à Real Bossé. Mais c'est un sport de jeunes. Non, mais ça prend de l'énergie. Il faut être pépé. Ouais. Et aussi, veux pas, tu es souvent le moteur de cette affaire-là. La répétition après 10, 15, 20 ans d'impro, elle est là. Alors, soit que tu vis bien avec. Tu vois, moi, je commençais à être négatif sur le banc. Tu sais, ouais. J'ai déjà fait. Il me semble que j'ai déjà fait quelque chose de mieux que ça. Tu sais, veux pas. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais m'arrêter de chialer, puis je vais arrêter. On a souvent un peu l'idée de ce que ça pourrait être, puis ce qu'on n'a pas atteint après une soirée. De faire. Tu sais, ça. J'aurais pu faire mieux, là. Clairement. Surtout qu'avec un peu de chance, parce que je l'ai beaucoup fait. J'ai déjà fait, j'espère, des affaires pas pires. Que tu compares, tu vois, c'est un peu là, je l'ai déjà fait, mais mieux. Ouais. Fait que je fais bon. Mais mettons qu'on te donne... Donne budget illimité. Ah, mon... Tu sais, Antoine, fais... vers où tu voudrais pousser ça, puis qu'est-ce que tu essaierais? C'est trois bonnes questions, ça. Tu peux répondre par une réponse seulement. Hey, nice! Y a toujours le défi d'amener l'impro ailleurs que dans l'impro. Ouais. Je fais un clin d'œil à une série télé à laquelle tu as participé, Frédéric, par exemple, qui improvisait les dialogues. Laquelle? Casting? Oui, c'est ça. Il y a eu les quatre coins. Sinon, il y a la web-série Les Cobayes. J'étais dans les trois, ma foi du bon Dieu. Non, mais, tu sais, parce que Il y a quelque chose, tu sais, le naturel, l'écoute, la patente qu'on ne trouve pas ailleurs. Comment amener ces éléments-là dans un autre contexte? Il y a eu des films improvisés, tu sais, c'est pas... Je ferais un laboratoire... OK. Là, on le fera pas pour vrai, Antoine. Non, mais tu m'as dit que l'argent est limité. Oui. Non, mais je te le dis, si on t'offrait ça, là... Mm-hmm. Mais là... Alors moi, je prendrais ça, puis c'est ça. Je fonderais un laboratoire exploratoire pour voir comment utiliser l'impro dans la création de films, de séries télé, de livres, à comment... Ça s'est déjà fait, là. Ce serait pas nouveau, mais réunir des acteurs de ça, puis de faire... On essaye des affaires combinées. Oui, je comprends. Mélanger les parce que ça n'a pas toujours été heureux. Non. Mais ça s'adapte. Faut En tout cas, moi, ce que j'en ai compris pour avoir fait de l'impro sur pellicule, disons. Ouais. Mais plus pellicule, mais en tout cas, on s'entend. Oui. C'est que des fois, on parle trop. Et même sur scène, on parle trop. Et je pense que sur pellicule, il faut trouver des techniques qui font en sorte que, ben, on va. On peut reprendre des petits bouts pour enlever des répliques. Puis, Et ce que Véronique faisait beaucoup avec la websérie Les Cobayes, c'était de la réécriture au montage. Oui. Elle replaçait des affaires, elle faisait des choix. Donc. Mais moi, en fait, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que c'est pas tant le tour de magie d'inventer des choses au fur et à mesure, mais plutôt le processus de création, de sortir des choses sur l'immédiat puis atteindre quelque chose, une sorte de vérité. Ben, moi, je trouve que dans le jeu, ça change un peu. Tu vois, je vais parler rapidement, de façon positive, de web-thérapie. Oui. Web-thérapie, si j'ai bien compris, c'est une série américaine au départ. Et c'est un petit peu improvisé. OK. On canevote ça, mais ils improvisent les scènes. Donc, c'est beaucoup de blabla. Mais ils improvisent. Et là, ils ont fait une adaptation dans laquelle j'ai le plaisir de jouer. Je reste moi aussi, je fais... Oui, je t'ai vu sur le cachet. Le gars en cuisse. Et là, ils ont pris les textes improvisés et là, ils ont transcrit. Alors là, on joue de l'impro. Je joue avec des comédiens exceptionnels. Mmh. On joue ça très bien. Et là, ça devient une série jouée, qui comme plein de séries, puis c'est bien correct. Alors, quand tu regardes l'original, qui est improvisé, puis notre version à nous, c'est pas pareil. Mmh. Là, je veux pas comparer, mais c'est sûr qu'il y a une petite magie, pour moi, dans le fait d'improviser, où on sait de quoi on va parler, mais ils réagissent pour vrai, puis ils t'écoutent pour vrai. Là, nous, on le joue. Puis c'est correct, là, ça fait des milliers d'années qu'on perfectionne le théâtre, puis on fait semblant d'écouter, écoute pour vrai, mais... Selon moi, dans cette transcription-là, on a perdu une génération de quelque chose. Ouais. C'est devenu autre chose. Pas mieux, pas pire, mais... Une autre affaire. Ben oui, mais tu sais, non, on n'est pas dans ce sens-là. Puis là, une fois écrit, il y a des scènes, tu fais, je comprends pourquoi il a fait ça en improvisant. Mais là, de le jouer, c'est dur. Parce que ça vient pas de... Ben, c'est pas ça, là. Ben, tu transcris une conversation, c'est ça. Après ça, on la joue, tu fais, ça marche pas. Ou c'est dur à jouer, ou c'est dur à rendre. C'est d'autres codes, en tout cas. Mais c'est toujours une question. Je pense que c'est toujours une question de choix, pareil. Après ça, une fois que tu retranscris, il faut que tu fasses tes choix pour te l'approprier. Parce que si tu essaies juste de jouer ce qui est déjà joué, improviser, c'est ça. Tu peux pas, c'est dur. Oui. On avait fait ça, on avait fait un kino à partir d'improvisation. Puis la semaine d'après sa présentation, il a été joué. Ah ouais? Sur scène. Oh, c'est pas pire. Puis c'était spécial, tu sais, quelque chose que nous, on avait inventé. Demain. Sur le fly la semaine d'avant. On voit ça appris par du monde. Puis on voit les choix, on voit les. Tu sais, c'est. Ça passait, c'était différent, c'était. Mais comme processus de création, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans le fait d'improviser. Oui, puis dans le travail, là, tu sais, moi, je suis pas un... Je me débrouille, tu sais, je suis pas un grand comédien, mais une de mes armes, c'est sûr, c'est l'impro, ou du moins des mécanismes qui viennent de là. Tu sais, alors, tu dis, tu t'es retiré de l'impro sous sa forme. Oui, oui, oui. Mais sinon, je fais ça tout le temps. Là, ouais. Je rajoute des bouts de scène, des phrases. Bon, camion. On engage. camion. Tu comprends? Oui. Je pense que je travaille un peu à cause que j'improvise un peu dans mes affaires. On va faire des voix pour des pubs radio, tout ça. Je le joue pas mieux que d'autres. Mais à un moment donné, je fais 4-5 fins où ils me demandent de changer, puis je le change, puis ils font. Puis Tammy m'en parlait aussi, elle est au théâtre ces temps-ci. Tammy, ma copine, qui est une improvisatrice, qui est dans le travail de théâtre. Merci de me le préciser. Ce que t'as... Mais non, mais pour nos auditeurs. Mais que tu as peut-être rencontré aussi des fois. Ouais. On est dans un contexte de théâtre. Ouais. On va jazzer une scène où on passe une patente, où on nous demande de faire autre chose, puis on le fait tout de suite. Puis parfois, il y a des comédiens qui sont un peu surpris, qui font rien. C'est ben non, mais je fais ça tout le temps. C'est plus ça que je fais que. C'est pas exceptionnel. Là. Que de refaire tout le temps la même chose, c'est ça qui est difficile. Ah, c'est tellement gossant. Ouais. Moi, j'ai de la misère. Le mortir du théâtre aussi, je pense. Ah oui. Arrête, pour vrai, je pense j'en fais plus. Ça y est, plus d'impro, plus de théâtre. Eh bien, vous l'avez entendu ici. Arrête, non, je commence à le dire un peu. Mais, Puis tu vas t'aligner vers quoi? La politique, hein? Ah non. Non? Je sais pas. Quelque chose de social? Ouais, certainement. Ouais. Mais peut-être pas la politique. Genre, l'impro? Ah, moi, je reviens à l'impro. Pur et simple. Mais ça, tu sais, puis l'écouter, tu sais, puis changer quand l'autre change sa phrase, d'être capable de suivre. Ouais. Pas tout le monde qui. Pas tout le monde qui. C'est l'impro, ça. Que je trouve que. De réagir. Mais. T'sais, bon, t'en as fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses ensemble en impro. T'as fait beaucoup de choses mais, en impro. Oui, mais je continue. Peu, mais. Excusez-moi, garçon. Vous pouvez me garder juste mes affaires? Certainement. C'est gentil. Mais est-ce que. Non, y a-tu quelque chose que tu te dis, ça, je l'ai pas fait? Et j'aimerais. Ou pas, j'aimerais le faire, mais tu sais. Tu me parles pas encore d'une impro de science-fiction bien faite, là. Non, on en a fait plusieurs. On en a fait. Ouais. Non, je parle pas nécessairement. Je parle pas nécessairement d'un type d'histoire ou d'un personnage ou de quelque chose, tu sais, dans les lignes directrices convenues. Je parle plus d'un état ou de je sais pas, un moment que t'as pas vécu, que tu sens que t'as pas vécu. C'est sûr de c'est difficile à savoir parce que c'est peut-être quelque chose que tu ignores. Non, mais tu sais, j'envie j'envie des choses chez des talents chez d'autres improvisateurs, évidemment. Qu'est-ce que j'ai... J'ai pas fait grand-chose, ça. Quand on s'y arrête, c'est une base de la misère à répondre à la question. Mais non, mais t'as fait. Ouais, je réfléchis, là. Bon, oui, mais je comprends, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais peut-être un endroit où t'aurais aimé jouer ou un contexte dans lequel t'aurais aimé jouer. Non, pas tant. Non? Non, j'ai pas d'ambition tant que ça. Pas d'ambition, mais de. Je sais pas. L'exercice en soi. Ouais. Je continue à faire des sketchs à ma blonde, les tannins, mais j'improvise toujours un peu. C'est les meilleurs parce que j'ai l'honneur d'en voir quelques-uns de tes sketchs. C'est pas les meilleurs. Des fois, ils sont trop longs. J'essaie des affaires. Mais tu sais, comme quand on faisait de l'impro, on faisait des ateliers quand il n'y a personne. Je continue à aimer ça. Puis je ressens pas de besoin de le présenter devant le public. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Puis j'aime mieux qu'il y ait du monde que pas de monde, mais ça m'a pas. C'est pas ça qui me. Ouais. C'est pas clair, là, mais. Non, c'est vrai. C'est intéressant. C'est ça le théâtre, au moins, d'avoir du monde, ça me. T'sais. Qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Ben, c'est pas nécessaire. Fait que moi, je fais ça l'après-midi. Ouais. Du théâtre. La semaine. Ouais. Puis, tu sais, ça serait fait. On va rentrer chez nous après. Pas le soir, la fin de semaine. Ah, donc c'est ça le problème. C'est juste. Si on pouvait tout faire ça l'après-midi, ça serait éclairé. Déjà, j'aurais plus d'énergie. Je serais content d'être là. Je pourrais me consacrer à d'autres affaires le soir puis la fin de semaine. Absolument. Non, tout à fait. C'est une partie du problème. Clairement. Et, mais tu sais, je retrouve mes, en étant comédien sur des tournages. J'ai un peu d'impro, je m'en mêle un peu, j'ai mon petit public, on rigole, j'essaie des affaires, puis après ça, ben, je rentre chez nous. Puis... Mais si je te proposais... Oui. OK. J'ai... Combien qu'il y a de pions sur un échiquier? Jouer en anglais, peut-être. Jouer en anglais? Ouais. Ça, on l'a-tu fait? Tu sais que tu l'as fait? J'étais-tu ouais. là, moi? Je me on n'a pas vraiment fois. Joué beaucoup. T'en as fait une, toi. T'avais été dans une ligue anglophone. Ah non, moi, je suis allé faire l'Improv Summit ouais. Deux reprises. J'ai joué... au Montreal Improv, là, leur festival en anglais, j'ai joué 2 ans. Quand même. Toi, c'est une affaire de même. Aller jouer en Italie. Ça. En Italie, oui. Ou avec des Italiens. Tu sais, là, changer le focus, là, c'est plus nécessairement la performance théâtrale. J'ai-tu bien écrit tout ça? C'est. Faire ça, faire comprendre. Essayer de passer à travers, mais d'être ouais. dans ce défi-là. Tu sais, puis jouer un peu plus physique nécessairement. Il y avait ça, tu sais, ça que j'ai fait avec toi, avec les productions instables, là, sans, ouais. sans parole. Ça, pour ça, j'ai encore peut-être, je disais pas non, là. Un autre. En faire un autre ou deux. Parce que ça, je change encore les coups des franges, puis je serais pas dans un comparatif de 20 ans d'impro, de, ben non, là, c'est encore nouveau, puis... Ça, j'aimerais faire ça. De l'impro en Italie sans parole. OK, je travaille là-dessus. Yes, c'est combiné avec le voyage. Mais qu'est-ce que... Non, j'allais dire... Non, j'avais une idée farfelue pendant que... Ouais. Juste avant. Combien qu'il y a de pièces sur un échiquier? Il doit en avoir 32. 32. Si je te trouve 32 comédies. Ah, okay? Ouais, OK. Qu'on a en ligne. Et toi et quelqu'un d'autre, vous jouez une pièce... vous jouez une game d'échecs avec ces comédiens-là. Mais à chaque mouvement, le comédien peut jouer. Il prend une fusillade. Non. Ils construisent un petit bout de... Ah, c'est intéressant, ça. Du spectacle. Donc, c'est différent chaque soir. On peut c'est le soir? Ah, non. Non, chaque après-midi, oui. c'est différent. Puis, en même temps, on peut s'attendre à des moves si on connaît bien les... Oui, venons faire OK, là, ça va dans ce coin-là. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant. Puis là, tu mets t'es pas bon, là, ou qui se font retirer rapidement. Pour les faire. Mais tu sais, des concepts, il y en a beaucoup de concepts, c'est sûr, ça relance tout le temps la patente. Puis c'est souvent le fun. Ouais, ouais. Mais on finit par parler des 3-4 mêmes affaires ouais. de, bon, l'histoire, puis j'avais pas de personnage, puis j'ai rien compris, puis j'ai pas assumé. Puis, ouais. Ah non, mais je... Soit... Non, mais je dis pas non, tu sais. Mais non, dis non. Je dis pas non, l'après-midi, en semaine. Parfait. On va faire ça. Avec le matin, même. Je règle ça, puis ouais. j'ai ma journée. Oh oui. C'est ça, le projet. Bon, si on remplace 32 comédiens par 32 enfants de garderie, c'est-tu correct aussi? Nice. Parfait. Ça risque d'être plus vite. Ça va être le fun, ça. Des plus courtes répliques. On va jouer vite. Ils sont gossants. Ouais, l'impro, c'est un bel objet, par exemple. Ouais. Des beaux souvenirs? Oui, mais c'est l'affaire. Tu sais, j'ai pas vraiment fait de mise en scène ouais. au théâtre. J'ai pas vraiment écrit de pièces de théâtre. J'ai pas. Mais l'impro, tu fais tout ça. Puis j'étais arbitre, ouais. puis j'ai coaché, puis j'ai organisé. Fait que, tu sais, c'est peut-être la patente où j'ai un peu pas fait le tour dans le sens que j'ai compris, mais jouer ces différents rôles-là, avoir l'impression de comprendre un peu ce qui se passe. Étonnant, hein, quand même. Tu penses avoir compris? Un peu. Non, j'ai compris que c'est pas facile. Puis que. Puis que. Monde, puis que je comprends rien. Même participer à une mouvance. Ah non, absolument. Oui, mais à quelque part. C'est vrai. Ouais. Ah, t'es probablement une des personnes avec qui j'en ai parlé le plus. Hey, on en a parlé énormément. J'en ai parlé avec toi, mais j'en ai parlé avec plein de monde. Ouais. J'en ai plus parlé que je pouvais parler de théâtre quand j'étais en tournée avec une pièce de théâtre. Ça m'étonne un peu. Que je fais, il y a des enjeux tout insupportants au théâtre ouais. dont on ne discute pas. Là. Ouais. Donc on fait, ben non, c'est comme ça le théâtre. Ben, je pense que tu as mis le doigt dessus au début parce que c'est relativement nouveau. Avant, c'était le théâtre qui s'en servait. Ouais. Maintenant, on dirait que c'est l'impro qui sert du théâtre dans le sens où on fait. On compare à ça. Ouais. Non, c'est le fait que ça soit. encore, il y a plein de choses à défricher. Puis ici, tu sais, moi, en tout cas, pour ma part, je trouve que, tu sais, le match ayant eu tellement de succès depuis 77, fait en sorte que on commence à voir la forêt des possibilités derrière l'arbre du match. Wow. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Mais tu vois, mais ceci dit, l'impro est pas à l'abri de la routine, des habitudes. Et je vais voir des matchs collégiales de temps en temps. Puis on entend des commentaires, des affaires. Ou déjà, ah non, ça se fait pas. Puis, voyons, que c'est ça, c'était plus une. Tu fais, voyons, ça se fait, tu sais. Oui, oui. Même nous, peut-être qu'on avait ça. Peut-être un réflexe normal de vouloir installer les choses, puis montrer les affaires, puis de coach en joueur, en coach, qui se passe. Ouais. C'est comme ça qu'on fait ça, une impro. Ouais. Là, tu vois, mon Dieu, ça nous guette aussi. T'sais. Comme les autres formes d'art. Enfin, non, c'est le même, ça marche. Puis... Ah non, c'est clair. Moi, c'est ça aussi que j'essaie de brasser un peu, là. Mm-hmm. De dire... Moi, je pense que c'est de même, mais jusqu'à temps que je creuse un peu plus loin puis que je vois que, oh, OK, il y a d'autres choses. Je découvre autre chose en ce moment. On a découvert autre chose avec Saint-Place à l'époque. Je trouvais. Ouais. Juste de faire comme... Plus jouer de la même façon. Pas avoir les mêmes enjeux. Ça a changé, moi, beaucoup ma perspective. Puis là, c'est ça. Puis je me dis, si je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois avec des groupes différents, qu'est-ce qui m'empêche de le faire encore plein d'autres fois? C'est beau, ça, frère. Tandis que toi, Antoine, t'as abandonné. On peut le dire comme ça, puis je suis pas gêné. Hein? Je suis pas gêné. Je suis pas fier. Non. Un peu. Tu parles un peu de paresse. Il y a certainement ça. Ah oui, mais je suis pas... Non, tu pourrais revirer ça dans l'autre sens. Tu fais, mais moi, Frédéric, j'ai une vie. Puis là, tu fais... Pas tant. Écoute, non, c'est ça. C'est pas... pas lâcher ça pour autre chose. Non? OK, tu pourrais virer ça en disant, mais moi, Frédéric, je travaille. Pas tant. Bon, OK. Non. Mais non, j'aurais pu continuer, mais c'est ça. Maintenant. Mais non, mais je comprends aussi d'arrêter des choses, tu sais... Comme une ligue après 15 ans, tu fais peut-être que j'ai fait le tour, tu sais. Peut-être. Arrêter des affaires que. Pour. Parce que sinon, tu essaies juste de recréer tes bons moments, puis tu te demandes pourquoi toi tu tripes pas quand les autres ils tripent, puis ben ouais. Tu réalises que eux c'est la première fois qu'ils vivent ce moment-là, puis toi. Ça fait la deuxième fois? Non, peut-être plus que ça, mais bref. Moi, c'est ça. Ouais. Il y a tout le monde sortir à un moment donné des affaires. Là. Pas toi, Fred. Sauf Réal. C'est correct. Non, mais moi, je me retire. Je me sortirai de plein d'affaires. Voyons donc. Non, mais c'est pas un combat là, de retirage. Garde. La maison cacao, on n'a pas vu ça, c'est fermé. Ouais. On est devant la maison cacao. Nice. C'est bon, c'est toi. Ouais. Mon petit impro. Mais tu sais, ça accepte d'être imparfait. Je sais pas, toi, il y a quelque chose que j'aime. C'est dans l'erreur, je trouve, puis j'aime ça. Pas dans l'erreur, dans l'essai. Hey, j'espère que ça va sonner bien, cette affaire-là. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à la fin? Je dirais la même chose que toi. J'espère qu'on va entendre quelque chose. Ça, c'est sûr. Ça serait ma dernière parole. Si on n'entend rien... ce qu'on a fait toi. Non, mais allons-y pour un petit lettre à un jeune poète, là. Ne commencez pas l'impro. Voilà. C'est parfait. Non, bien évité. Qu'est-ce que je dirais, donc? Non, mais à toi, là, qui commence. Tu sais, comme pour... À quoi je me dirais? Ou peut-être tu dirais comme, lâche pas, bonhomme, amuse-toi jusqu'à temps que tu lâches. Ou tu qu'est-ce que tu pourrais te dire pour, mettons, bonifier toute l'expérience que tu as eue, là? Genre, il y a peut-être des moments où tu as eu des soucis. Je sais que tu n'es pas quelqu'un qui soucie beaucoup au niveau des répercussions des spectacles, nécessairement. Ouais. Mais ouais, on veut que ça marche. Oui, on veut que ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu aurais... Ben, regarde, je vais me poser la question à moi-même. Ouais, je comprends rien. Non? Non. Dans, je m'écris une lettre? Non, mais tu sais, très, très jeune, là, je me serais dit... essaye plus d'affaires. Ben, tu vois, c'est ça que j'allais dire. Ouais. J'allais dire, n'aie pas peur de te tromper, puis essaye plus d'affaires. Encore ouais. plus. Je pense qu'on est capable, le spectateur est capable d'en prendre, puis nos partenaires ouais, ouais. de jeu sont capables d'en prendre, puis... oui, oui, tu es un petit peu sur le frein, faire non, mort plus encore, ouais. Toi, c'est pas compliqué? Ben non, tu l'as dit avant, ça m'embête, puisque j'ai dit ça. Essayez plus d'affaires. Pendant que j'en avais l'énergie et la confiance. Ouais. Quelle époque. Quelle époque. Quelle époque. Merci, frère. Merci, Antoine.